L'offre de remboursement de SFR débarque chez Monsieur Comte de Noël. Il était une fois mon mobile et moi. Par une belle journée, je me rendis chez SFR et là, 500 euros remboursés. Mon ancien mobile devint alors flambant neuf. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 13 janvier, profitez de jusqu'à 500 euros de remise sur un nouveau mobile. Soit jusqu'à 400 euros en rapportant votre ancien mobile en magasin, plus 100 euros remboursés sur demande. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, montant de la reprise variant selon le mobile éligible acheté. 100 euros remboursés pour la souscription d'un forfait 60 gigas et plus avec engagement 24 mois. Détails sur sfr.fr. L'histoire d'un drame social, politique et humain, les violences conjugales. Des milliers de personnes ont défilé samedi dernier à Paris et ailleurs en France pour une deuxième marche contre les violences faites aux femmes à l'appel de plus de 70 organisations, associations et partis politiques sous la bannière du collectif Nous Toutes. Lors de la première diffusion de cette émission, ce récit, en novembre 2017, il y a donc tout juste 2 ans, des centaines de femmes se retrouvaient également en place de la République à Paris, portant à bout de bras ou sur des pancartes le hashtag MeToo. Depuis, des actrices ont révélé avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles. Une parole s'est libérée sur les réseaux sociaux, puis dans la rue. Aujourd'hui, ces révélations continuent avec le témoignage des actrices Adèle Haenel et Lucie Lucas, par exemple. Il y a 2 ans, on recensait 123 victimes, autant de femmes mortes sous les coups de celui qu'elles avaient choisi comme amoureux, amant, mari, père de leur enfant. Combien sont-elles à en avoir parlé à leurs proches, à porter plainte? Combien n'ont pas été assez protégées? Cette année, depuis janvier, on dénombre déjà 133 féminicides en France. Comme en écho aux femmes qui ont témoigné dans la presse des violences qu'elles ont subies et dont elles sont victimes, vous allez entendre, dans le cadre de cette émission, d'autres voix de femmes qui, entre 1975 et 2015, ont parlé à la radio ou à la télé de leur quotidien, des violences conjugales, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Par elle et avec elle, nous tenterons de comprendre les mécanismes de la violence, leur souffrance et leur résistance, ainsi que l'emprise de ce que ces hommes exerçaient sur ces femmes. Nous évoquerons également les évolutions de la loi, ainsi que la réalité des chiffres aujourd'hui en France. Notre invitée, Virginie Ballet, journaliste à Libération, notre partenaire, notre consoeur a écrit et publié plusieurs articles et enquêtes sur ces violences faites aux femmes. Elle tient également à jour le décompte des féminicides conjugaux lancé par Libé le 1er janvier 2017, enquête baptisée, titrée « Meurtres conjugaux, les vies derrière les chiffres ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Votre mari vous battait, vous martyrisait sous l'emprise de l'alcool? Souvent. 3-4 fois par semaine. Me marcher dessus, me piétiner même. Il me brûlait avec sa cigarette, il me mordait. Déjà, quand la première gifle tombe, on n'y croit pas. Quand il me frappait, il allait jusqu'à ce que je craque. Soit violemment, il me prenait mes clés, mon carnet chèque et mon argent. De telle sorte que je me retrouvais à l'extérieur, démunie sans argent. C'est toujours la question qu'on pose aux femmes qui sont battues, pourquoi elles ne partent pas? Eh bien, je pense que quand on vit avec quelqu'un, quand on choisit de vivre avec quelqu'un, c'est pas par pur hasard, c'est pas n'importe qui qu'on trouve dans la rue un bon matin et qu'on amène chez soi avec sa valise. Les gens le savaient. Dans les premières fois, je pense que quelqu'un a appelé police secours. Bah, pour moi, ce qui a été important, c'était de me dire que la seule façon de l'aider, c'était de le quitter. Parce qu'on ne peut pas, en restant, lui laisser ce message que ce n'est pas tolérable que de frapper sa compagne et d'avoir de morts sur elle. Toutes les femmes que vous allez entendre ont été victimes de violences conjugales, de coups de poing et de coups de folie de leur mari, conjoint ou ex. Selon les émissions dans lesquelles elles ont témoigné, elles sont présentées sous l'appellation de Madame J, Madame R, Madame T, ou sous les prénoms d'Anne, Morgane, Leïla. Elles ont 20 ans, ou 2 ou 3 fois cet âge. Elles aiment depuis autant d'années, ou simplement depuis quelques mois, l'homme qui les bat. Elles vivent à la campagne ou en ville, elles sont chômeuses ou salariées, mariées ou divorcées, mères ou non, issues des classes bourgeoises ou populaires. Ces femmes ont en commun d'être tombées amoureuses d'un homme violent, Un amour qui est devenu un piège, dont certaines ont su s'échapper. Mais en 2016, 123 femmes n'ont pas réussi à partir à temps. Pour cet amour qu'elles espéraient heureux, évidemment, elles ont perdu la vie. Et cette année, combien sont mortes dans les mêmes conditions ? Dans les journaux, c'est souvent derrière les formules crime passionnel, drame familial, dispute mortelle que se cachent ces homicides. Pour le journal Libération, la journaliste et romancière Titou Lecoq a entamé le décompte macabre de ces crimes en feuilletant la presse régionale et nationale, ainsi que le fil des dépêches des agences de presse. À chaque mois de cette année 2017, elle énumère les noms et raconte les parcours de ces femmes disparues, ainsi que le profil de ces hommes qui ont assassiné celles qui partageaient ou avaient partagé leur vie et avec qui parfois ils ont eu des enfants. En janvier, en Gironde, Franck, un ancien élève de HEC qui travaillait à Londres dans la finance, a tué Sandrine, avec qui il avait eu deux enfants. En mars, dans la Marne, c'est Hélène qui est morte après avoir reçu deux coups de couteau au cœur et au poumon assénés par Yannick, son ex-compagnon, pompier volontaire, dont elle était séparée depuis un mois. En mai, Sadia est morte de deux balles dans la tête. Damien, son compagnon, agent communal en Isère, s'est suicidé par la suite. En août, Geneviève, une ancienne institutrice de 72 ans, Laura, 18 ans, qui venait d'obtenir son bac, et Aurélie, 29 ans, mère de trois enfants, sont mortes. C'était au mois d'août de cette année. C'était aussi, il y a 42 ans, un autre été. Elle s'appelait Paulette. Elle aimait Alain. Il la tua de ses propres mains. Le 26 juin 1976, à Strasbourg, on a jugé cet assassin. Cette année-là, les violences conjugales commencent à devenir un sujet d'actualité et de lutte. Au premier jour du procès, des militantes déposent un cercueil orné de fleurs pour Paulette et pour toutes les autres. Paulette et Alain avaient 23 ans, ils étaient déjà parents d'une petite fille. La vie de cette femme était tranquille, banale, voire monotone. C'était une jeune mère, mariée, ouvrière, qui le soir devait faire des ménages pour boucler ses fins de mois. En rentrant, son homme était souvent ivre, grossier, violent. 16 mois avant de mourir, sous ses coups, Paulette avait entamé une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation et un domicile séparé avaient même, fait rare à l'époque, été actés. Pourtant, la justice n'a pas su protéger Paulette de l'homme qui la menaçait. Le soir, il venait chez elle, lui demandait de ne pas le quitter, puis il restait là. Le jour de sa mort, sa mère et son frère étaient passés la voir. Alain était là. Malgré les menaces, eh bien, ils l'ont laissé seul, avec lui. Même la police avait été prévenue et avait fait le déplacement. Pourtant, Alain n'a pas été arrêté. Supportez-le jusqu'à lundi matin. Quand il partira au travail, vous ferez changer votre serrure, auraient dit les policiers. Oui, sauf que le lundi en question n'est jamais arrivé pour Paulette. À la fin du procès, Alain était condamné à 20 ans de prison. Mais comme l'a rappelé l'avocat général, Paulette était en danger de mort. Elle a demandé de l'aide, mais personne n'a pu lui porter secours. La seule réponse du corps social, c'est après coup de punir le meurtrier. Et l'on demande alors, en cour d'assises, une peine exemplaire et dissuasive pour que soit réglé le problème des femmes battues. Des Paulettes, victimes de violences conjugales, nos journaux depuis des décennies en sont remplis. L'année de sa mort, d'autres femmes sont victimes de violences conjugales, comme celle-ci qui raconte cette peur qui l'accompagne chaque jour. Il vous battait ? Énormément. Mais vous n'alliez pas voir la police, les gendarmes ? Enfin, je suis allée deux fois, ils me disaient que c'était des affaires de ménage, qu'il fallait s'arranger. C'est inimaginable, il y a certaines personnes qui comprennent la peur, mais beaucoup d'autres ne savent pas ce que c'est la peur, elles ne peuvent pas comprendre. Donc c'est uniquement la peur qui m'a empêchée de partir, de prendre mes enfants et de m'en aller. Vous avez eu tellement peur qu'un beau jour vous avez sauté du premier étage pour lui échapper. Oui. Et vous vous êtes blessée. Oui, uniquement la peur. Certes, au XIXe siècle, les cours d'assises et les tribunaux correctionnels ont peu à peu défini les traits de ces délits qu'on appelait alors des histoires de couple. Mais à part dans ces salles d'audience, les violences conjugales étaient toujours recluses au sein du cercle intime des familles ou dans des discussions entre voisins, telle une rumeur qu'on évite d'ébruiter. Avez-vous vu madame ? Non, la dialité depuis des jours. Oui, elle est sans doute une nouvelle fois tombée dans l'escalier. Et puis, madame réapparaissait jusqu'à la prochaine fois. Voilà comment on parlait de ces choses-là, sans jamais oser nommer le crime. Voilà comment on se refusait à briser la fausse paix du ménage. Comment on acceptait qu'un homme batte sa femme. Il faut attendre le début des années 70 et l'essor des mouvements féministes pour que la violence conjugale devienne un objet de lutte, puis une question de société à part entière. En France, le basculement s'inscrit en 1975. Cette année-là, plusieurs signes montrent une prise de conscience collective. En août, l'association SOS Femmes Alternatives crée une première permanence téléphonique à Paris, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, Rennes, Toulouse et Lille, pour recueillir la parole de ces femmes battues. En novembre, à la demande de François Giroud, chargé de la condition féminine dans le gouvernement Chirac, sous Giscard, on met en place, dans chaque commissariat, une policière chargée de recevoir les plaintes de femmes maltraitées. 1975, c'est aussi l'année de la publication en France du livre « Crie moins fort, les voisins vont entendre », traduction d'un ouvrage anglais écrit par Erin Pidsey, qui a fondé en 1971, dans la banlieue de Londres, le premier refuge pour des femmes battues en Grande-Bretagne. Ce livre regroupe une série de témoignages de femmes qui ont choisi de raconter leur quotidien sous l'emprise d'un homme violent. Et comme en écho à ces paroles venues d'outre-Manche, France Culture ouvre son antenne à des victimes françaises et parfois à des enfants devenus grands. Je n'ai jamais été battue, mais ma mère a été battue pratiquement journellement. Cela a duré durant toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Moi et mon frère demandions à ma mère de se défendre réellement. Nous avions l'impression qu'elle essayait d'échapper au coup, qu'elle essayait de s'enfuir. Dans ces cas-là, il la rattrapait par les cheveux, il la traînait sur des mètres, mais qu'elle ne se défendait pas réellement. C'est-à-dire qu'elle n'essayait pas elle-même de donner des coups. Nous courions très souvent chez les voisins et nous demandions aux gens de nous aider. Et ces personnes nous repoussaient également. Enfin, ils trouvaient n'importe quelle excuse pour ne pas venir, pour ne pas nous aider. Et à ce moment-là, nous rentrions. Et ma mère se retrouvait, bien entendu, par terre comme d'habitude, en sang, en larmes. Et nous ne pouvions absolument rien faire. Nous ne pouvions pas appeler qui que ce soit à l'aide parce que personne ne nous aidait. Absolument personne. Les enfants sont souvent les grands oubliés des violences conjugales, et pourtant ils sont les premiers témoins des gifles, étranglements, insultes, cris étouffés dans le lit conjugal et parfois meurtres de leur mère. Témoins, mais surtout victimes, eux aussi, ils sont aussi parfois la cause de la colère du père, l'étincelle de la tension avec la mère. Les dernières études montrent que la moitié des enfants exposés à ces violences présentent un trouble de stress post-traumatique qui se traduit souvent par des cauchemars et des flashbacks où ils revivent ces scènes. Ce pourcentage s'élève à 100% pour les enfants témoins de meurtres. Ces gosses présentent souvent des troubles de la santé, asthme, retard de croissance, dérèglement alimentaire. En écoutant ces témoignages, ces bribes de vie, beaucoup d'entre vous doivent se poser cette question lancinante. Mais enfin, pourquoi ces femmes restent-elles avec leurs compagnons ou maris tortionnaires ? Pour les enfants, souvent, oui, elles culpabilisent à l'idée de briser le foyer qu'elles ont construit. Elles ont peur de mettre en péril le parcours scolaire dû à une séparation. Mais aussi parfois, c'est pour eux que certaines d'entre elles décident de partir, d'arrêter de les rendre témoins des coups, des humiliations. Et c'est pour ces femmes qui trouvent le courage de partir qu'en 1976, SOS Femmes Alternatives ouvre à Clichy le centre Flora Tristan, l'un des premiers en France spécialisé dans l'accueil des femmes battues et de leurs enfants. Dès les premières semaines, Flora Tristan affiche complet. Parmi les victimes qui se sont réfugiées ici, cette femme qui témoigne. J'étais battue violemment et c'était vraiment insupportable. Ce n'était pas possible à supporter. C'était pour quel motif ? Ben, pour des rien, pour des oui, pour des non, pour des... Par exemple, prends-moi cette chaise, enlève cette chaise de là, je dis non. Enlève cette chaise de là, je dis non et voilà, c'est parti. Pas plus que ça, hein, c'est pour les rien. Votre mari considérait cela comme normal de vous battre ? Oh oui, tout à fait normal, tout à fait. D'ailleurs, il me traitait parce que... Il disait que je ne marchais qu'avec des coups. Et je me demandais dans ma tête, si vraiment j'étais une bête ou je sais pas quoi. Vous avez l'impression d'en être sortie maintenant? Ah oui, totalement. Ah oui, vous savez, le premier pas, c'est très très dur. Le premier pas, le plus difficile, c'est de partir. Et une fois qu'on est parti, bon, ben, évidemment, il y a les difficultés qui s'enchaînent. Mais le plus difficile, c'est de partir. Le plus dur, c'est de partir, dit-elle. Quand on se plonge dans les entretiens d'anciennes femmes battues, on observe souvent un déclic, une gifle de trop, un changement de regard, une peur soudaine de mourir. Parfois, un simple message à la radio peut jouer le rôle d'électrochoc. C'est ce qui arrive un mardi d'avril 1979. Ce jour-là, à la télévision, les dossiers de l'écran ont prévu un numéro sur les femmes battues. Comme à chaque fois, le matin de l'émission, une bande-annonce est diffusée à la radio. Et c'est ainsi qu'on découvre à la télé ce soir-là le visage tuméfié de Madame Lim. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. Elle est secrétaire. Pour l'émission, elle a revêtu un joli chemisier recouvert d'un pull rose. Elle a brossé ses cheveux, mis du rouge sur ses ongles, mais elle n'a pas pu cacher le violet qui entoure son œil droit, encore gonflé. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a été une nouvelle fois battue par son mari. Ils ont 4 enfants, désormais grands. À cause des coups, elle avait demandé le divorce. Mais il y a moins d'un an, seule, fragile financièrement, elle a décidé de retourner avec lui. Elle l'a aimé, elle l'aime sans doute toujours, et espère encore que tout peut s'arranger. Mais les coups sont revenus. Pourquoi lui réagit-il comme ça? Oui. Parce que en fait, c'est un garçon qui est très bien, très gentil, enfin avec tout le monde, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui vont être très surpris, peut-être s'ils le connaissent. Mais c'est un garçon qui a eu... Enfin, moi, je l'explique comme ça. Il a des problèmes, comme beaucoup de gens en ont, des problèmes professionnels, oui. Des problèmes avec des personnes qui côtoient. Ça va pas toujours très bien dans son travail, dans ses rapports avec des gens avec lesquels il fait du sport, par exemple. Bon, des petites choses tout à fait banales. Et comme il ne veut pas se faire voir sous son vrai jour, n'est-ce pas, lorsqu'il rentre à la maison... Eh bien, c'est sur moi qu'il se défoule. Ah, et c'est toujours lui qui a le dessus, parce que je ne peux pas, croyez bien que si je pouvais, je le ferais, mais je ne peux pas le battre, il est trop fort pour moi. Derrière cet amour à en perdre la vie se loge un mal qu'on nomme emprise. C'est ainsi qu'en 1979, de l'autre côté de l'Atlantique, une psychologue américaine, Leonore Walker, nomme ce cycle qui recommence sans cesse, ce mouvement perpétuel de la violence conjugale. Elle le définit en 4 étapes. Tension avec agressivité et reproche, explosion de la violence, coups et blessures, et puis lune de miel assortie d'excuses. Les premiers temps de la vie semblent alors réapparaître, mais le cycle recommence. Comme quoi, même si les histoires de ces femmes battues sont différentes, elles répondent au même mécanisme. À la demande de leurs compagnons, ces femmes s'éloignent de la sphère sociale, familiale, amicale. Parfois dépendantes financièrement, elles sont souvent à la merci de leurs conjoints qui leur confisquent chéquier, carte bancaire ou papier d'identité. Il y a le contrôle et puis le dénigrement. C'est ce qui est arrivé à cette femme âgée de 57 ans au début des années 90. De ses 8 mois d'enfer, dont elle a gardé de lourds handicaps, elle témoigne au micro d'Anne Pastor, de France Inter. Quand il s'absentait la nuit, il m'enfermait, prenait les clés dans la chambre. Et quand il revenait, c'était des atteintes physiques et morales très très dures. En plus, quand il m'enfermait, je n'avais pas le droit d'écouter la télévision, m'informer. Je n'avais pas le droit de mettre un disque. Je n'avais pas le droit de manger sans lui. Je n'avais pas le droit de parler à qui que ce soit, surtout communiquer, divulguer. C'était interdit pour moi. Je n'étais plus moi. Il avait réussi à tuer ma personne et ma personnalité. J'ai réussi à me sauver. Mais la veille, il m'avait battue et violée. On m'a emmenée dans un centre d'hébergement pour femmes battues. Oui, mais seulement dans ce centre, je suis restée quelques jours. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je reste dans la région parce que j'étais en danger. J'ai dû quitter la région. C'est un vrai massacre dans mon cerveau. Je dois lutter. C'est mon devoir pour moi et pour d'autres femmes. « autre femme, 20 ans plus tard. C'est le même mécanisme qui place Morgane sous l'emprise de Yacine. Des premiers mois de leur histoire, elle se souvient de moments idylliques. Il était beau, protecteur, séducteur, plein d'humour, mais aussi jaloux. Une jalousie qui a tout envahi. Pour lui, Morgane a accepté de voir moins ses amis. Elle a quitté Paris pour la campagne. Mais peu à peu, il lui impose sa loi. Chaque jour, il lui reproche de nouvelles choses, l'humilie quand il estime et décrète qu'elle n'a pas été à la hauteur, et puis il lui donne un premier coup. À l'époque, elle est enceinte. L'enfant naît, la violence se poursuit, comme un cycle, comme une habitude. Chaque jour, un compte à rebours qu'il annonce, puis les coups, comme promis. De là, il appelle ce qu'on appelle le compte à rebours, c'est qu'il va me dire... On couche tous les jours notre fils à 14h. Admettons, il est 10h du matin. Il va me dire, c'est quoi ? Dans 4h, je te défonce. Et ça va faire sa matinée jusqu'à 14h, où il va me dire, dans 3h30, je te défonce. Dans 1h, dans 30 minutes, plus que 10 minutes, c'est chaud pour toi. Donc, 2h moins 10, je monte, je couche mon fils et je sais que je dois descendre ces fameuses marches pour me présenter à lui. Entre-temps, il a fermé la porte à clé, que les clés sont dans sa poche, il a fermé les rideaux, et souvent, il met soit de la musique, soit la télé assez fort, pour être sûr de... Il prépare, en fait, sa scène. Et là, il va me dire, viens devant moi. Donc, je me présente à lui, hein, je me mets devant lui, et là, il fait ce qu'on appelle des feintes. Il va faire semblant de me taper, de me mettre des coups. Il y a un moment où je vais cligner des yeux, où je vais avoir peur, et de là, ça va être, il va me mettre la première claque en me disant, je t'avais dit de résister. Et lui-même, dans son délire, va me dire « Tu vas voir, je vais te rendre plus forte. » Et donc, du coup, il va mettre sa première claque, la deuxième. Après, ça va être en général des coups de poing, jusqu'à temps que je tombe par terre, des coups de pied. Et ce qu'il stoppe à chaque fois, c'est le sang. En fait, ça va être ma chance, c'est que cet homme-là, il supporte pas la vue du sang. Ça l'arrête, mais comme un automate, en fait. Il s'arrête tout de suite. De là, il fait toujours la même chose. Il me dit « Écoute, je vais me laver. » Range toute la maison et quand je redescends, prépare tes excuses et je veux un sourire. Cela va durer 4 ans. Un jour, Morgane porte plainte. En comparution immédiate, Yacine est condamné à 18 mois de prison. Il sort 6 mois plus tard pour bonne conduite et immédiatement il la harcèle. Parfois, quand elle rentre, il est là, assis dans le fauteuil. Alors, un jour, soutenu par une association qui lui donne le courage nécessaire, Morgane décide de s'enfuir, quitte ses proches, se retire des réseaux sociaux. Depuis, elle refait sa vie. Mais comment les pouvoirs publics protègent-ils ces femmes des coups et de l'emprise ? Comment les empêchent-elles de mourir et parfois de devenir elles-mêmes des assassins ? Girls, you know you better watch out. Some guys are only about We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo. A win-win. Come again. certaines femmes aujourd'hui, il existe un endroit plus dangereux qu'une rue mal éclairée ou un parking souterrain. C'est leur propre foyer. Et l'homme, le plus susceptible de les maltraiter, de les violenter, n'est pas un étranger, mais leur propre compagnon. L'homme avec qui elles vivent. C'est parce que trop d'hommes s'imaginent avoir tous les droits dans leur foyer que près de 2 millions de femmes sont battues régulièrement en France. La violence conjugale, comme toute autre forme de violence, est inacceptable. Ce clip date de l'année 1989, une année charnière dans la lutte des pouvoirs publics qui diffusent leur première campagne contre les violences conjugales. C'est la secrétaire chargée des droits des femmes et de l'égalité des chances du gouvernement de Michel Rocard, Michel André, qui en est à l'initiative. À l'époque, on estime qu'un foyer sur 10 est concerné par les violences conjugales, ce qui touche près de 2 millions de femmes. En plus de la prévention, c'est sur le volet judiciaire que la secrétaire d'État avance des propositions de réforme. En 1989, seuls des coups dans le cadre d'un couple marié entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pouvaient donner lieu à des poursuites pénales. Sinon, l'affaire se réglait dans une procédure civile. Les violences contre les concubines, elles, étaient encore dans une zone grise. Ces femmes n'avaient aucun recours, aucun soutien. Il faut attendre l'année 94 avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal pour que les violences commises par le conjoint ou le concubin soient reconnues et considérées comme un délit. 10 ans plus tard, en 2004, une loi relative au divorce met en place une mesure d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal. En 2006, l'arsenal législatif renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Cette nouvelle loi pénalise notamment le vol de documents indispensables à la vie quotidienne et élargit l'éloignement de l'auteur en étendant l'interdiction du domicile à tous les stades de la procédure pénale. En 2010, une loi votée à l'unanimité par les députés et les sénateurs donne de nouveaux moyens aux juges pour la prévention et s'appuie sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la protection des femmes victimes de violences. En 2014, en France, une nouvelle loi dite pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est votée. Elle a pour objectif d'améliorer la prévention et de renforcer les sanctions ainsi que d'accompagner mieux les victimes, femmes comme enfants. Malgré ces lois, un chiffre reste stable, celui des femmes tuées. 129 en 2013, 134 en 2014, 122 en 2015, 123 en 2016. Autrement dit, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon, mari ou ex. Combien d'entre elles ont porté plainte? Combien étaient-elles au courant de leurs droits? Alors, face à la situation, à la peur de mourir, certaines d'entre elles se font justice elles-mêmes. Ce fut le cas de Jacqueline Sauvage, qui tua son mari violent en 2012, mais aussi de Sylvie Leclerc, une femme de 53 ans, qui tua son mari, Gérard. C'était le 15 mai 2012. Ce soir-là, Gérard ne l'avait pas violée ou battue, et pourtant Sylvie Leclerc avait pris l'arme qu'il avait achetée un an plus tôt. Et puis, dans son sommeil, elle l'a tuée. Lors de son procès, qui s'est tenu 4 ans après les faits, ses avocates, les mêmes que celles de Jacqueline Sauvage, ont indiqué qu'il s'agissait d'un geste de survie libérateur, après 35 années émaillées de violences physiques, mais surtout d'une emprise psychologique. Une emprise évoquée par la filleule de Sylvie Leclerc dans le documentaire « Au nom des femmes », produit par Electric Productions et réalisé par Xavier Deleu. Depuis qu'elle est incarcérée et que j'ai découvert plein de choses sur elle, tout me choque parce que c'est d'avoir accepté de vivre comme ça pendant des années, de se faire violer parce qu'elle s'est fait violer, de se faire taper dessus, de se faire insulter, de l'obliger à se prostituer, parce que c'est ce qui s'est passé. Enfin, en fait, c'était un gourou. C'était un gourou et il l'a gouroutisé. Et je sais pas si ça se dit, mais il fallait qu'elle se sauve. Et elle a trouvé que ça comme issue de secours. On n'a pas le droit de faire justice soi-même, mais comment on fait? Et pas que elle, même toutes les autres femmes, parce qu'il y en a plein, c'est sûr. Comment ils arrivent à les tenir dans une bulle? Je sais pas comment ils font, ces hommes-là. Je sais pas. Mais ils en deviennent à faire une personne qui est formidable, une tueuse. Le viol conjugal, l'une des violences taboues subies par les femmes. Tabou en effet, car comment prouver le crime dans le huis clos d'une chambre ? On estime pourtant que 37% des viols sont commis au sein même du couple. 31 000 femmes environ sont victimes chaque année de cette violence-là. En 2015, seulement 1840 d'entre elles ont déposé plainte. 46 violeurs conjugaux seront par la suite condamnés. Pour Sylvie, il a fallu attendre la mort de son mari pour qu'elle parle de ces nuits durant lesquelles il l'a réveillée parfois jusqu'à 10 fois pour son plaisir sexuel, pour qu'elle évoque ses rapports imposés, interminables et quotidiens. La violence était sexuelle, physique, psychologique. Certains avaient vu la détresse de Sylvie, dont sa sœur. Pourtant, comme les victimes, les proches sont souvent dépourvus eux aussi. C'est facile à dire « Pourquoi vous avez rien fait ?» C'est facile quand on est de l'extérieur. Quand vous êtes dedans, ben vous êtes coincé. Autant que ma sœur, pareil, on est coincé parce qu'on a peur, trop peur pour elle. C'est facile de dire, pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'avez pas alarmé? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ça faut comprendre. Lors du procès, on a fait état de la vie de Sylvie Leclerc, d'une enfance fracassée par une mère alcoolique et de beau-père violent. Sa vie commune avec Gérard? Selon elle, il passait son temps à l'insulter, à l'humilier. À la barre, on entend les mots de Aude, sa fille. Je pense que c'était la seule issue pour ma mère et qu'elle a bien fait de faire ce qu'elle a fait. Il me faisait très peur, même s'il ne m'a jamais frappé. Sylvie a décidé de quitter ce mari violent, mais comme d'autres, après quelques mois, elle est revenue dans son ancien foyer. S'agissait-il d'une emprise? L'un des experts psychiatres a préféré parler de syndrome d'otage, à bas bruit, sans qu'elle en ait complètement conscience, parce que sa personnalité est fragile et en manque de consistance. Et bien Sylvie Leclerc s'est progressivement enlisée et enfermée. Il conclut, comme l'autre expert, que Sylvie souffrait de troubles psychiques susceptibles d'avoir altéré son discernement. Pénalement irresponsable, elle ne risque plus la perpétuité. Le 24 mars 2016, les jurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle suivent les réquisitions du parquet. Sylvie Leclerc est condamnée à 9 ans de prison pour le meurtre de son mari. Sylvie était pourtant en danger de mort et personne n'a pu lui apporter son aide. Alors, elle a appliqué sa propre justice. Puis, la justice, l'officielle, l'a condamnée non pas à la peine maximale, mais à une peine tout de même, parce qu'elle avait tué. Dans 3 jours, une nouvelle femme mourra sous les coups de son compagnon, et ainsi de suite, tous les 3 jours. Comment arrêter ce décompte infernal ? Pour que tu m'aimes encore, je ferai. Sa jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça, mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi, mon joli. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les violences conjugales qui concernent les femmes, évidemment, mais aussi les enfants. Bonjour Virginie Ballet. Bonjour. Vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes journaliste chez Libération, notre journal partenaire. Vous êtes au service société en charge des droits des femmes. Et vous tenez à jour, depuis un an pour le journal, le décompte des féminicides conjugaux, lancé donc par Libération, le 1er janvier 2017. Donc ça fait 2 ans, pardon. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. Appelé meurtres conjugaux des vie derrière les chiffres. Nous donnerons bien sûr tous les liens pour accéder à tous ces articles sur notre site Affaires Sensibles, sur le site de France Inter. Tout d'abord, ce décompte des victimes dans Libération, alors ça c'est une idée un peu radicale, mais au moins on sait de quoi on parle. Comment est venue l'idée? Alors d'abord, je pense que j'ai envie de rendre hommage à Titou Lecoq, qui est la personne qui l'a lancé. Moi je l'ai, j'ai repris le flambeau par la suite, Titou Lecoq, et qui l'a lancé à un moment où c'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup moins, et dans les médias et dans la société, de cette question des féminicides conjugaux. Et je pense que l'idée c'était de sortir de la froideur des statistiques, parce qu'on a beau répéter... Des vies derrière les chiffres, voilà, c'est ça, on répète sans arrêt que c'est une femme qui meurt tous les 2 voire 3 jours sous les coups de son compagnon, ce qui n'est par ailleurs pas une bonne formule à mon sens, mais c'est un autre débat. Et je pense que l'idée c'était de raconter la vie de ces femmes, histoire qu'on puisse comprendre aussi à quel point ça peut toutes nous toucher en fait. Quelle formule préféreriez-vous? Alors, je pense que le fait de parler de mourir sous les coups de son compagnon, c'est nier aussi la réalité de ces féminicides conjugaux, puisque la plupart du temps, on meurt pas sous les coups, on meurt défenestré, écrasé, tué par une arme blanche, mais on meurt très peu finalement de coups. Donc, je pense que ça nie aussi la réalité et la brutalité des féminicides conjugaux. Alors, la notion de féminicide, on la comprend puisqu'on sait ce qu'est le suffixe « cide », hein, qui rapporte à la mort, au meurtre, en l'occurrence. Féminicide, est-ce qu'il y a une définition officielle? Quel est le périmètre du féminicide? Alors, le féminicide, en réalité, est beaucoup plus large que le féminicide conjugal. Le féminicide, c'est le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, en raison de son genre. Donc ça peut aussi inclure des avortements préventifs, même si c'est abominable comme formule, mais ce qui se pratique encore dans certains pays, avorté d'un embryon qui est une femme. Donc ça, c'est le féminicide en général. Le féminicide conjugal, c'est tuer une femme parce qu'elle est sa femme, en fait. Mmh. C'est plutôt un mécanisme de possession, de jalousie de possession. Est-ce qu'on pourrait établir une sociologie des violences conjugales? Je veux dire, est-ce que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles? Ben alors, c'était un des points aussi dans le fait de tenir des statistiques, nous, à Libération. C'est aussi essayer de se rendre compte de la réalité de ce fait social. Et ce qu'on peut voir, c'est que le seul point commun que ces femmes ont, c'est qu'elles sont tuées la plupart du temps dans le cadre d'une séparation ou après une séparation, majoritairement à domicile. Pour le reste, ça se passe dans toute la France et dans absolument tous les milieux sociaux et aussi à tous les âges. Enfin, ça commence à 18 ans et ça peut se terminer au-delà des 90 ans. Donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de catégorie sociale qui soit plus touchée qu'une autre. Ni entre le milieu urbain et le milieu rural. Non plus. Alors l'emprise... Il y a eu un film qui traitait de ce fait, qui s'appelait « L'emprise ». Beaucoup de femmes disent être sous l'emprise et n'arrivent pas à dénoncer ce qu'elles subissent à cause de cette emprise. Là aussi, on comprend ce que ça veut dire, mais plus précisément, cette notion d'emprise. En fait, ça recouvre ce qu'on appelle le cycle de la violence, donc qui est le fait de commencer très souvent par une phase de lune de miel au cours de laquelle l'emprise va s'installer. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer sous son meilleur jour, qui apparaît souvent comme le prince charmant qu'on a envie de croire et qui petit à petit vous isole sans que vous en rendiez compte, vous coupe aussi de vos liens et sociaux, familiaux et professionnels, et qui fait qu'on a du mal à avoir le recul sur ce qu'on vit réellement et on ne se rend pas compte qu'on commence à être victime de violences conjugales. Donc on ne se rend pas compte que les premières insultes, le dénigrement, le harcèlement psychologique, on ne voit pas tout ça arriver parce qu'on est sous emprise. En fait, l'emprise, c'est ça. C'est une forme de pas de cannibalisation de l'esprit, mais il y a un peu de ça. Alors, pendant le récit, nous sommes partis de l'année 1975, car pour certains chercheurs, c'est une année charnière dans la prise de conscience en France de cette question, en tout cas au sein des mouvements féministes. Enfin, il a fallu quand même attendre l'année 89, hein, 14 ans plus tard, pour qu'une première campagne de sensibilisation soit organisée par le gouvernement. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette lenteur dans l'évolution des esprits? Alors, il y a déjà quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, c'est que pendant le reportage, on évoque l'ouverture du centre Flora Tristan, le tout premier centre d'hébergement pour femmes battues, donc, qui a ouvert à Clichy en 78. Et j'ai regardé récemment les archives de l'INA sur l'ouverture de ce centre d'hébergement, et le reportage commençait, je vous jure que c'est vrai, ça commençait par « Ne riez pas, ce n'est pas une blague, il existe des femmes qui sont battues par leur conjoint. » Et je trouve que ça montre... Tout est dans la formulation. Voilà, en 40 ans, à quel point on est passé de quelque chose qu'on prenait un peu à la légère à vraiment la prise de conscience de la gravité de ce fait-là. Après, donc, les premières campagnes de sensibilisation en 89, depuis, bon, bah, évidemment, on a heureusement un peu évolué, notamment en 94 avec l'inscription des violences conjugales dans le code pénal. Donc, enfin, on reconnaît aussi l'existence de ces violences-là. Et puis, petit à petit, on a régulièrement des campagnes de sensibilisation et cette cause-là qui est décrétée grande cause nationale sans que ça ait forcément des effets spectaculaires, comme on peut le constater dans les statistiques, des faits. On est sorti du « ne riez pas ». On est sorti du « ne riez pas », et je pense que la manifestation « Nous toutes » qu'on a pu observer ce week-end dans les rues de Paris et ailleurs en France montre aussi à quel point il y a une colère qui grandit dans la société française. 50 000 personnes dans les rues pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, c'est relativement inédit. Donc je pense que la prise de conscience sociétale, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une véritable réponse politique notamment. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, samedi? Intimement. Intimement, beaucoup d'émotions et un sentiment d'union qui était très beau parce qu'on pouvait trouver des gens de tous les âges et aussi de tous les sexes. Il y avait beaucoup de mecs à cette manifestation et je trouvais que c'était beau de voir qu'on pouvait être jeune, vieux, jeune papa, enfin voilà, qu'on pouvait tous s'unir autour de cette question. Ça, c'était vraiment très émouvant. Est-ce qu'on a une statistique, parce que évidemment les violences conjugales ne sont pas dites, restent dans la sphère cachée de la vie privée. Alors on peut voir comme ça tout un tas d'hommes qui paraissent tout à fait fréquentables, et peut-être que est-ce qu'il y a un problème aussi de statistique parce que c'est dans la sphère privée? Je pense que là, de ce côté-là, en tout cas pour ce qui est des féminicides conjugaux, on a avancé. Ça fait quand même 15 ans qu'on a des statistiques officielles de ce côté-là, et puis des données aussi établies par la MIPROF, entre autres, sur les auteurs de violences conjugales. Donc on commence à y voir plus clair. Mais quand il y a meurtre, parce que quand il n'y a pas meurtre, peut aussi y avoir violence conjugale qui dure, sans qu'il y ait meurtre. Et c'est quand même terrible aussi. En fait, c'est un petit peu comme pour le viol. C'est le refus de voir que ça peut être n'importe lequel de nos frères, de nos collègues, de nos amis, qui peut être potentiellement un homme qui bat sa femme ou un homme qui viole. Ce que Valérie Ré-Robert, la blogueuse Crêpe Georgette, appelle la stratégie d'altérisation. C'est le refus de voir que le violeur, c'est nous, en fait. C'est pas l'autre. Et c'est aussi ce que dit très bien Adèle Haenel quand elle dit « les monstres n'existent pas ». En fait, c'est ça. C'est quelque chose qui nous touche tous en réalité. Et c'est troublant. C'est relativement troublant, oui. Mais à partir du moment où on prend conscience que ça peut être n'importe lequel d'entre nous, je pense que déjà on avance. Oui. Et notamment sur l'entraide qu'on peut apporter aussi aux potentielles victimes autour de nous. Alors toutes les lois efficaces, intelligentes, efficientes, tout ce que vous voulez, pour des grands sujets comme ça de société, passent par la prévention. Hein. C'est normal, la prévention est efficace, c'est probablement la meilleure façon d'aborder un problème, la prévention. Qu'est-ce qu'on a en termes de prévention sur ce thème-là? Alors en réalité, c'est très insuffisant de ce côté-là, notamment parce que depuis le début des années 2000, on devrait avoir dans toutes les écoles de la sensibilisation à l'égalité. Et dans la majorité des collèges et des lycées, ça se fait pas forcément. Donc c'est pour ça que le mouvement Nous Toutes, qui défilait dans les rues samedi, réclamait notamment que soit instauré un brevet de la non-violence à l'école, qui soit un petit peu sur le modèle de la sécurité routière et qui permette de vraiment marquer les esprits dès le plus jeune âge. C'est aussi un des combats que mène Noël Agossa, dont la nièce a été tuée en 2016 par son petit ami. Et cet homme-là, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, lui intervient dans les écoles pour vraiment sensibiliser les mecs et leur faire comprendre que... les petits mecs. Et il me disait aussi qu'il a été très heurté à plusieurs reprises par des comportements de petits machos alors qu'il avait affaire à de jeunes collégiens. Donc ça montre l'importance de commencer très tôt en termes d'éducation et de prévention. Bien, et il y a dans ce studio une collégienne qui vient du Mans, elle s'appelle Sarah, elle me regarde avec un air effrayé, elle est en train de se dire, oh là là, il va me faire parler, il m'a pas prévenu. Bon, elle est dans le studio puisqu'elle est en stage à France Inter, nous l'avons accueillie avec plaisir, elle a 14 ans, et on lui disait tout à l'heure, je lui disais, bon, ça fait pas trop peur quand même ce qu'on raconte, toi, cette jeune fille qui va devenir une femme un jour. Et elle a répondu, c'était un message d'espoir, elle a dit non, parce que bah ça se dit maintenant, et puis il y a quand même des évolutions. Donc voilà, il y a un message d'espoir, tout ce qu'on fait en ce moment, ça fonctionne, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est bien, non ? Oui, bah oui, et puis je pense que depuis le mouvement MeToo, puis Balance ton porc, puis aujourd'hui avec la prise de parole Adèle Haenel, voilà, on est vraiment sorti du silence, en tout cas on commence à sortir du silence, et ça c'est très positif, parce qu'il y a plus, enfin en tout cas cette honte, elle commence peut-être enfin à changer de camp, c'est ce que j'espère, du moins. Bon, alors on peut aussi se regarder et avoir une autocritique, ce qu'on a en France, et on peut aussi regarder autour de nous, c'est-à-dire nous comparer. Comment ça se passe chez nos voisins européens ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont allés plus vite et plus loin que nous ? Ouais, il y a des pays qui ont été beaucoup plus en avance que nous, notamment l'Espagne, qui est un exemple qu'on cite souvent ces derniers temps. Mais ce qui est intéressant dans ce pays, c'est qu'on a eu dès 2004 une véritable loi cadre autour des violences de genre, qui va beaucoup plus loin que simplement la violence conjugale et les féminicides. Ça inclut aussi de la sensibilisation contre les stéréotypes, de la prévention et la mise en place 5 ans plus tard, donc en 2009, de bracelets électroniques. Et ça, c'est quelque chose dont nous, on commence à se saisir en France, parce que ça fait l'objet d'un projet de loi qui est à l'étude au Parlement en ce moment. Mais en Espagne, ça fait déjà 10 ans que ça a été implémenté, avec des résultats relativement spectaculaires. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a une efficacité. Quoi, en 2003, on avait 71 femmes qui étaient mortes en Espagne, tuées par leur conjoint. Et en 2018, on était à 47. Donc, c'est quand même que ça porte ses fruits. Réduit de moitié. Ouais. Formidable. On va parler des enfants, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème qui touche les femmes, mais aussi les enfants, des conséquences psychologiques sur les gamins, parfois physiques. En 2015, alors si la statistique n'est même pas bonne, vous me corrigerez, mais je pense qu'elle est bonne, 36 enfants sont morts concomitamment à l'homicide ou à la tentative d'homicide de leur père ou de leur mère, essentiellement de leur mère. On va écouter un témoignage, celui d'une femme qui, lorsqu'elle était enfant, a été témoin justement des violences de son père contre sa mère, et c'était en 1975. Je me rappelle qu'une fois, mon père a décrété que le pain était trop dur. Il s'est levé, a pris le pain, l'a lancé par la fenêtre, a renversé la table. Ma mère a poussé un haut, parce qu'elle était un peu indignée, et il s'est mis à la taper. Cela a duré durant toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Nous avions l'impression qu'elle essayait d'échapper au coup, qu'elle essayait de s'enfuir. Dans ces cas-là, il la rattrapait par les cheveux, il la traînait sur des mètres, mais qu'elle ne se défendait pas réellement, c'est-à-dire qu'elle n'essayait pas elle-même de donner des coups. Et nous le lui demandions, et elle nous répondait systématiquement, ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées, on ne doit pas dire de telles choses. Moi, j'essayais de la défendre, et je tiens à le préciser, mon père ne m'a jamais battue. Mais quand je l'empêchais de battre ma mère, il voulait se dégager de ma pression, et il me repoussait. Violemment, bien entendu, puisqu'il était en colère. Quand j'empêchais mon père de battre ma mère, on imagine la souffrance. des gosses. Et on commence à la reconnaître aussi. C'est vrai que ce Grenelle, s'il a eu au moins un mérite, c'est de mettre sur la table la souffrance des proches également de tous ces gens qui vivent cette violence au quotidien. Sur les statistiques que vous évoquiez, je voudrais aussi ajouter que sur cette même année, on avait quand même 140 000 enfants qui vivaient dans un foyer dont la mère était, où la mère était victime de violence. 140 000 enfants, c'est énorme. Et c'est une problématique qu'on commence à prendre en compte avec des initiatives relativement intéressantes dans les cas les plus extrêmes, dans les cas de féminicide, notamment à l'hôpital Robert Ballanger de D'Aulnay-sous-Bois, où ils ont mis en place un protocole féminicide qui est vraiment dédié à l'accueil et à la prise en charge du traumatisme de ces enfants-là. Et c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué pour vraiment prendre en charge leur souffrance psychologique qui est évidemment énorme. Bien sûr. Quand on imagine les gosses qui rentrent dans le foyer après l'école, ben c'est le cocon, on est bien. Et là, on entre dans le foyer et c'est le traumatisme. Oui, c'est terrible. Quoi. Ce qui devrait être réconfort devient traumatisme et violence. Et quand ils grandissent aussi, enfin, qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils ont 40, 50 ans? Quel modèle est-ce qu'ils gardent en tête? Comment est-ce qu'on évolue en tant qu'adulte aussi avec un passé comme celui-là? Vous connaissez Nadège? Oui. Bien sûr. La question du viol conjugal, on arrive à la troisième question. Donc les femmes, les enfants, maintenant le viol conjugal. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage d'Alice Gauvin et de Julien Ababsa. Il s'agit donc du témoignage de cette femme, Nadège, qui a lancé une procédure contre son ancien compagnon, avec d'autres femmes d'ailleurs, elle aussi victime de cet homme. Et là, j'arrive dans la chambre, et là il m'attrape par les cheveux et tout. Il me dit, ouais, tu veux te conduire comme un bonhomme machin, rester dans le salon, va pas venir te coucher quand moi je vais me coucher. Il me dit, c'est moi qui décide ici et tout. Il me dit, de toute façon, t'es qu'une pute, t'es une salope. Il me dit, bah là, je vais te montrer comment t'es une salope et tout, t'es machin. Il me dit, bah là, je veux bien te prendre comme une salope. Et j'étais enceinte de 8 mois, un truc comme ça. Donc, il n'y a pas eu de préliminaire de tout ça. Hein. Il est allé direct par derrière et j'avais beau hurler... de douleur, de désarroi, de je ne sais pas, de tout. Et en fait, il continuait. Au début, je me débattais en fait à mettre mes mains et tout, à essayer de le retenir et tout. Et en fait, après, j'avais plus la force du tout parce que là, il était en train de me tuer en fait. Voilà. Et après, il a fini et il me dit, de toute façon, il me dit, t'avais beau gueuler, il me dit, j'en suis sûr que t'as aimé. Voilà. Bon, infernal, infect, abject. Oui, Alors, des actes, évidemment, mais des paroles aussi. C'est vraiment. De l'homme. Oui, et puis les paroles de Nadège, je trouve qu'elles sont vraiment très fortes. Moi, Nadège, je l'ai rencontrée il y a an et elle a accepté de témoigner à visage découvert de son vécu, ce qui est quand même. Enfin, faut s'imaginer la difficulté que c'est déjà à dénoncer le viol conjugal en général et le faire comme ça, publiquement, à visage découvert, c'est publiquement, fort, hein. C'est d'un courage absolument spectaculaire. Et le viol conjugal, c'est vrai que c'est encore une notion qui a beaucoup de mal à être reconnue, qui est excessivement tabou parce qu'on est resté, je pense, ancré dans la notion du devoir conjugal qui a été inscrite dans le code pénal napoléonien au 19e siècle. Et ça, ça a marqué les mentalités à un point où on a vraiment du mal à se rendre compte que oui, ça peut être un viol, même si c'est mon copain, même si c'est mon mari. Si je dis non, si je ne suis pas d'accord, c'est un viol quand même. Et ça, il a fallu quand même très très longtemps pour que ce soit reconnu par la loi. Enfin, ça date de 92, là encore. Et c'est pas parce que c'est inscrit dans les textes qu'on l'imagine que dans les commissariats, c'est acté et reconnu. J'ai une statistique sur cela. 37% des viols sont commis au sein même du couple. Oui, et dans 9 cas sur 10, on connaît son violeur. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les stratégies d'altérisation. On a tendance à penser à véhiculer des mythes sur le viol qui seraient le fait d'un mec inconnu le soir tard dans un parking. Alors que non, dans une grande majorité des cas, c'est un ami, un cousin, un petit ami. Et c'est une réalité qu'on a du mal, je pense, à encore considérer en France aujourd'hui. Violence conjugale, légitime défense, ça donne Jacqueline Sauvage, par exemple. Quel est votre regard sur l'histoire Jacqueline Sauvage et son épilogue? Mais je pense qu'elle a commencé, qu'elle a contribué à marquer les mentalités aussi, et que ça a été un tournant à partir du moment où on a commencé à avoir des manifestations dans la rue pour défendre cette femme. Je pense qu'on a pris conscience de jusqu'où tout ça pouvait nous mener, à savoir jusqu'à tuer pour se défendre et en finir de ce cercle infernal parce qu'on n'a pas d'autre issue. Donc je pense que ça a vraiment marqué un tournant dans la prise de conscience dans la société française de ce que sont les violences conjugales. La violence des femmes sur les hommes, est-ce qu'elle existe ? Bah, elle existe, oui, mais elle est vraiment largement minoritaire. Dans 85% des cas, les auteurs de violences conjugales sont des hommes. Ouais. Et si un homme, on imagine encore la gêne aussi pour un homme d'aller se plaindre en disant « et pourtant je suis l'homme » s'il a un raisonnement du temps jadis, s'il n'a pas évolué. Donc c'est une double peine presque. C'est une double peine et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que l'éducation à l'égalité et à la lutte contre les stéréotypes est essentielle. Parce que quand on est un homme victime de violence, si on n'a pas été sensibilisé au fait que la virilité, c'est pas ce qu'on veut parfois en véhiculer, on peut se dire non, je ne peux pas dire ça. Ça veut dire que je suis pas un vrai homme. Je peux pas avouer que j'ai été violenté par une femme. Et c'est terrible pour eux. Bien sûr. Virginie Ballet du journal Libération. Merci infiniment dans le cadre de notre partenariat avec ce journal Libé. Donc à bientôt peut-être. Au revoir. J'espère. Merci. Cette affaire sensible aujourd'hui, les violences conjugales, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.